jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai avec mes plaisirs et les secrets. Et importe ce que font les autres, jusqu'au bout, Jésus, j'irai jusqu'au bout. Il y en a et tu marches avec la lumière. Certes, l'accepte, elle est ouverte. Et peut seulement espérer aller jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Remercions maintenant. Car tu es l'auteur de voix insondable. Prends soin de ta parole. Travaille sur ton message. Que le soutien puissamment. Il confirme lui-même. Manifeste la vie de cela. Tu es fidèle aux promesses. Un père responsable. S'occuper de ses enfants. Que ne délaisse jamais son peuple. Et qui s'occupe de lui de sa façon en son temps. Toi Dieu tu fais chaque chose bonne en ton temps. Apprends à nos cœurs la patience. Donne à nos esprits le discernement, la bonne compréhension spirituelle. Fais-nous passer de la foi intellectuelle à la véritable foi spirituelle, à la révélation du Saint-Esprit. Lassez au-dedans de cœur pour que nos vies changent et qu'elles reflètent Jésus. Jésus-Christ. Que nous le soyons pareils, semblables, des images de Christ. Béni la réunion de ce soir, les chants de louange ont été chantés, les prières, les supplications sont montées à toi, les demandes d'instance sont venues, Seigneur. Écoute la voix de chacun. Tout ceci n'est pas fait en bas, mais c'est pour être conforme à ta volonté. Nous prions parce que tu nous as demandé de prier. Et tu nous as demandé de croire que les choses que nous demandons, nous les avons déjà possédées. Et nous les verrons se réaliser. Conduis les choses de cette manière merveilleuse. Afin que toute la gloire au final revienne à toi. Que l'ennemi et le vindicatif soient confondus. Que les forces des ténèbres soient dispersées. Que l'amour de Dieu nous rende triomphants. Au nom de Jésus-Christ, le véritable et miraculeux, nous prions et prions par la foi et pour toujours. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous prenons à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Nde mobali moko kombo na ye Ananias, na mwasi na ye Saphira elongo atekaki elanga. Nde abombi ndambo na mosolo ezuye, mwasi mpe andimi bongo. Abemi ndambo na mosolo mpe atie yango na makolo na bantoma. Nde Petelo alobi ete Ananias, Satana atondisi motema na yo ete okosa molimo mosantu mpe obomba ndambo na mosolo na motuya na elanga mpo na nini? Nano etikalaki yango ezalaki nde ya yote mpe esili yango kotekama ezalaki na maboko na yote otie motema na yo kosala boye mpo na nini? Obuki lukuta na bato te kasi obuki lukuta na Nzambe. Eyeki anene ya maloba oyo akweyi na se mpe akufi. Somo monene ekangi bango nyonso oyo bayokaki bongo. Luc chapitre 7, le verset 39. Luka mokapo ya sambo mulongo atumisato na libwa. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Wana emonaki mufalisai oyo abengaki ye bongo, alobaki na motema na ye ete, mpona moto oyo soki azalaka mosakoli mbe ayebi soki mwasi oyo azali komama ye azali motindo nini mpo ete azali mwasi na masumu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambé à Pambola Botengue et l'Obaye. Bienvenue à cette exhortation. Autour de ce que notre Dieu fait. Dieu est tellement grand et merveilleux. Il fait de grandes choses. Dans la simplicité. Alors ce soir, nous allons nous exhorter un peu autour du discernement spirituel. Non pas juste le discernement de l'esprit de manière générale, mais pour montrer que le discernement, il opère dans les prophètes, mais aussi dans les apôtres. Le discernement prophétique et apostolique. De manière générale, comme vous l'avez vu ici, on parle de discernement. Comme quand l'ange est descendu le 6 mai 1946, la deuxième commission à William Branham. Et lui a annoncé que s'il allait être sincère et qu'il n'utilisait pas ses propres pensées, il arrivera même qu'il connaîtra les secrets de cœur des gens. Et lorsque l'on annonce généralement un discernement de manière particulière comme cela, ce n'est pas dans le cadre d'un don spirituel, un de neuf dons spirituels d'un Corinthiens 12. Mais c'est dans le cadre d'un ministère en tant qu'un don qui dépend de l'appel de Dieu, ministère de la parole. Généralement, on s'est fait l'idée qu'il s'agirait du ministère prophétique. Comme ici, Jésus, en tant que prophète, le Fils de l'homme, a été invité chez Simon le pharisien, dans le chapitre 7. Yesu mwana na nzambe mosakuli ajangamaki epayi kuna ibna et qu'une femme prostituée de mauvaise réputation est faufilée, il est allé jusqu'à ses pieds, il a commencé à pleurer à ses pieds, essuyer ses pieds avec ses larmes. Mwasi moko na ndumba kotakipekati na batongo akomaki kino na matambe na Yesu Kristo amikitisaki pe abandi kopangwisaka nde matambe na ye na pinsoli ezali kobima na miso na ye. Et tout cela parce que Jésus était abandonné avec les pieds sales. Cette femme était choquée et même révoltée de voir le Seigneur, celui-là même qui avait une grande réputation, un grand ministère, être dédaigné à ce point, abandonné, humilié en public. On l'a traité comme un clochard, comme on traiterait un clochard, un clochard, un domicile fixe. À cette époque où les chevaux passaient à travers les avenues, ils faisaient des matières fécales sur les routes, et si vous vous passez sur ces routes-là à pied, vous devez quelque part piétiner les matières fécales des chevaux. Et les odeurs, ça pique, ça pue. Les déplacements de Jésus-Christ sur la terre dans les avenues se faisaient à pied. Mais ces mouvements sur les eaux, ils pouvaient emprunter une barque. Mais sur la terre, sur les avenues et les chemins, c'était à pied. On pouvait accompagner d'une grande foule en clameur. Les uns disaient, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Les autres qui disaient, fils de David, évitez de mort. Un tel bruit autour de son passage. Mais dans cette confusion-là, il y a une grande foule qui est en train de se faire. Et je suis là au milieu. On ne pouvait pas manquer de piétiner la matière fécale. Et quand on a invité quelqu'un, on échange réalité d'environnement. Et c'est fait de société. Celui qui est invité, il devait prendre soin de nettoyer les pieds de son hôte et de les parfumer. Et enfin, lui offrir un baiser d'accueil. Un Le pharisien fait ça pour tous les invités qui étaient là. Si mon pharisien a ça là qui bongo, na ba bien gamin yon sonne. Et quand il va venir Jésus, non. Il a ignoré. Pourtant, c'est lui qui l'avait invité. Bon, certainement qu'il ne voulait pas que les gens de son église remarquent qu'il y avait un bon courant entre lui et Jésus. Donc les pharisiens et les hypocrites. Il l'invite et puis il a honte de lui. Alors il ne lui offre pas l'accueil. Il ne nettoie pas ses pieds. Il ne parle pas non plus. Il ne lui offre même pas un baiser. Jésus est entré là dépaysé. Il a dû aller chercher une place pour s'asseoir lui-même. Dans une salle de fête. Pensez un peu à quoi ça peut ressembler. Quel sera votre état moral? Vous arrivez, mais personne, même pas rien. Vous tournez les yeux partout. Vous voyez il y a une chaise vide. Et même vous demandez si je vais m'asseoir là-bas, est-ce que vous pouvez me demander de me lever de là? Et mais place réservée. Au ministre tel, comment est-ce que vous êtes asseoir ici avec cette femme? Il est allé au fond, comme lui m'a enseigné. Ne cherchez pas à vous asseoir au premier siège. Mettez-vous derrière, comme ça. Si votre invitateur veut vous honorer, non, là, c'est pas votre place. Là, c'est un honneur mérité. Spectaculaire. Ça pèse plus. Mais ils ne l'ont pas fait pour lui. Il est allé au fond. Bon. Peut-être qu'on allait dépêcher quelqu'un. Non. T'entraînes. Bon. Maintenant la femme là qui était passée, elle a appris que Jésus était entré là-bas. Et là, il s'attendait à ce qu'il voie Jésus sur les places d'honneur remarquables. Il regarde toutes les tables d'honneur, Jésus n'est pas là. Mais il est entré ici. Mais il est allé où? On l'a fait asseoir où exactement? Toutes les tables où il y avait des il va là où il y a des délaissés. Les endroits où on laisse un peu de petits chèques, des petits bailleurs, des cambriolets. On les laisse pourquoi là-bas? Pour les cambriolets. Il voit les chèques. Mais c'est Jésus là-bas, non? Assis là dans un coin tout seul. Il a commencé à prier. Ah, c'est pas vrai. Elle s'est amenée jusque là. Elle est tombée seulement à ses pieds. Elle pleure. Elle rompe ses péchés. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne, moi. Et elle a pris un parfum le plus cher que la veille. Dans son sac. Elle a parfumé le Seigneur. Avec les larmes abondantes qui coulaient. Elle a pris ses cheveux comme essuyés. Elle a mis son nez dans les odeurs de matière fécale. Prêt à s'effacer complètement. Elle était bien habillée. Les prostituées, elles adorent la beauté, comme on le disait hier. Elle est remarquable, elle est remarquable. Il faut que quelqu'un craque un peu pour elle. Elle était bien habillée, bien parfumée. Mais elle a oublié tout ça, défendre. Elle a pris ses cheveux qui étaient bien tressés. C'était la caractéristique des femmes prostituées de l'époque. Donc pour mieux séduire, elle tressait les cheveux. Elle a défait ses cheveux-là. À cause de Jésus, toute sa beauté défigurée, désintégrée, ça n'avait plus de valeur de valeur. Elle a pris ses cheveux, elle a commencé à suivre. Elle a suivi les pieds du Seigneur. Maintenant, Simon, confus et jaloux, Confie parce que ce que la femme faisait, c'est lui qui aurait dû le faire. Alors, au lieu de se dénigrer soi-même, dans son cœur, il conçoit les pensées pour dénigrer plutôt le Seigneur Jésus. Comme si l'humiliation qu'il lui avait fait subir ne suffisait pas. Il fallait encore le dénigrer dans son cœur. Le réunissait vraiment. Que les gens dorment presque partout. Ouais, ce sont des fanatiques. Il laisse une femme de cette espèce. Alors qu'un prophète est un saint homme. Et si lui était un prophète, comme c'est connu, il aurait connu son père. Et de quelle espèce de femme, même si elle ne lui racontait rien. Il allait savoir que ça c'est une indigne qu'il fallait repousser de sa maison. Parce qu'elle aurait essayé, il devait les chasser. Il n'a pas fait. Regardez maintenant le Seigneur. Au lieu de discerner la femme comme souhaité, aurait souhaité le pharisien Simon, il va discerner Simon lui-même. Le Seigneur est terrible. Hein? Lui aurait souhaité qu'on discerne la femme. Il a discerné ses pensées là. Ce sont les mêmes caractéristiques. Ah, c'est le mot de ma langue. Ok, c'est l'occasion que j'attendais. Simon. Simon. Je vais te raconter une petite histoire. La gobette est là. Oui. Dans le cœur. Oui. Il est minimisé. Ah, madame, tu oui. Rabbi. Oui. Colon, colon. Histoire. Alors, il y avait deux hommes. Batomi Balé Bazaraki. Qui ont pris un crédit de l'argent auprès d'un créancier. L'un a pris un gros montant, l'autre a pris un petit montant. Mais le temps traîné, il n'arrivait pas à rembourser. Mais à un moment donné, le créateur revenu certainement. Pour les décharger, je vais les remettre cette tête. L'un a pris 50 000. Je vais prendre l'exemple, 50 000 francs congolais ou 50 000 dollars. Et l'autre, c'était juste 200 francs ou 200 dollars. Mais tous les deux n'arrivaient pas à rembourser. Et maintenant, le créancier dit, je vous remets la dette. Vous ne me devez plus rien. J'ai clairement la dette. Je vous ai offert cadeau. Il demande maintenant à Simon. Pour voir son discernement. Il pouvait bien répondre. Lequel de ces deux hommes aimera son créancier plus tard? Oui. Non. Mais c'est celui à qui on a remis 50 000. Et le Seigneur dit, on va bien juger. Vous voyez, quand quelqu'un pense du mal de vous, ne cherchez pas à tout salir de tout ce que lui peut dire. Même s'il a de mauvaises pensées contre vous, s'il dit une bonne chose, soyez honnête et reconnaissez que ça c'est bon. Jésus, notre divin modèle, prêche par lui. Il commence une conversation. Il commence une conversation. Jésus n'était pas comme ça. Yes, le chrétien ne doit pas être comme ça. Mon fils, vous disons hier, prenez de la hauteur. Montrez que vous avez des valeurs divines en vous. Et vous n'êtes pas un enfant de la basse-cour. Vous êtes un amoureux de bassesse et de haut niveau de la terre. Montrez que vous êtes un aigle qui s'envole. Vous pouvez marcher sur ces bassesses. Vous pouvez dominer ces bassesses. Montrez une supériorité spirituelle. Il l'aborda avec une conversation. Pas malveillance, ni mauvaise intention. Très ouverte. Et pour montrer qu'il était sincère, quand cet homme a bien jugé, il l'a félicité. Tu as bien jugé. Ah, c'est là qu'il a eu le but. On a bien mal à vous. Mais regarde maintenant. Cette femme ici, moi aussi, elle a de nombreux péchés. Et toi-même aussi, tu le sais. Mais à cause de sa repentance, ses nombreux péchés sont pardonnés. Et elle aimera plus. Donc, elle m'aimera plus. Donc, toi, tu n'as que peu de péchés. Dans ton propre jugement. Et si on te pardonne ce quelques péchés-là, ton amour envers moi ne sera que minime. Parce qu'avant que je fasse quelque chose pour toi, ton église aurait déjà tout fait. Ton église est sanctifiée. Ton église est déclarée meilleure. Ton église est déclarée qui sont venus remplir. Fais-le avec toi. Tu penses que tu as moins de péchés. Mais elle n'avait personne pour la défendre. Rejetée par la société, rejetée par le peuple d'Israël, il a fallu un intercesseur, un médiateur pour son âme. Celle-là, dont on ne fait pas cas. Mais c'est celle-là justement sur qui la grâce de Dieu est tombée. Dieu a choisi les choses folles de la terre. Les choses villes, c'est ni pour ça. Mais il peut faire de grandes choses de sa part. Et il peut révolutionner inutile. Simon est resté confus. Simon a présenté des quelques yeux. Dites-moi alors, Jésus-Christ était-il prophète ou non? Tout l'argumentaire de Simon balayé. Parce que la réponse du Seigneur montrait qu'il connaissait effectivement quelle espèce de femme était cette femme-là. Il savait justement que c'était une pécheresse et qu'elle avait besoin du pardon de Dieu. Et comme elle était sa prière, le Seigneur la lui a accordé à haute voix. Malgré son détracteur qui était présent, quand Dieu veut te sauver, il ne pourra pas faire plaisir à tes jaloux. Je ne veux pas te sauver, comme un tel est là. Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Il voudra te pardonner. Toute l'église est dans la froideur totale. On a bénéficié de cette parole. Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Il a un plan merveilleux pour notre salut. Il accomplit de son propre gré. Que son nom soit béni et béni. C'est ainsi qu'il ne faut pas suivre les influences du milieu. Ne regardez pas les tendances de la salle. Toi-même pour ton âme et ton âme. Tu ne peux pas faire l'expérience. Ne faire un pas en avant. Que rien ne soit un obstacle. Considère que tant que tu peux rencontrer ton Dieu, il le sait que tu sens. Il connaît tes vrais besoins. Il peut répondre à ta prière. Vraiment au milieu des incrédules. As-tu confiance que Dieu fait cela? Donne-lui cette confiance-là. Il est Dieu. Asali, Nzambe. Il connaît nos cœurs. Ayati, il connaît nos besoins. Ayati, il connaît nos réalités. Il connaît notre passé. Ayati, il connaît notre présent. Ayati, il connaît tout de nous. Ayati, et quand tu as tes prières, tes besoins, les présents dans le premier temps, amène tout à Jésus. Mais maintenant, il paye à Jésus. Il réglera cela sans barrière. Sans obstacle. Il te demande seulement de croire. Parce que même Marie, Marthe devait croire avant de voir la gloire de Dieu. Croyez toujours. Donc, le discernement, là on le voit bien, prophétique. Dans Actes des Apôtres ici, il y a eu un autre discernement qui s'est exercé. Actes des Apôtres chapitre 9. Nous prenons à partir du verset 10. L'expérience de Saul sur le chemin de Damas. Et là, nous allons jusqu'au verset 19. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul. De taxes. Moi, Kolimoko Azalaki na Damaseka Kombo nae Anania. Kolo alobi nae kati na emoneli ete Anania. Yempe alobi ete ngaye mkolo. Kolo alobi nae ete telema. Kende na balabala oyo etangami alima. Kuhukaka moto na talisai kombo nae Saulo. Kati na ndako na Yuda mpo ete Azali komendela. Verset 12. Car il prie. Ça, c'est Dieu qui connaît ce qui se passe maintenant. Dieu dit à Ananias, qui ne connaissait pas Saul physiquement, personnellement. Qui ne savait pas où est-ce qu'il était présentement. Mais Dieu savait là où il était et ce qu'il faisait. Il vient parler dans une vision à Ananias. Qui la Bible appelle ici un disciple. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Un homme en vision. Son nom était Ananias. C'est lui qui parle à Ananias, c'est celui-là qui avait montré la vision à cet homme-là seul. Asili komona mobali moko kombo na ye Anania koya kotiele maboko ete amona na lisusu. Oya asili kolobela Anania oyo nde oyo atalisake mona na li epai ya Paulo ete koyete saka nende ete asili komona oyo na ye mona na li boke ete mona. Yo kone se ki se passe partout. Zambe a yedi manso mako le kaka. Ona no mama yi se se kilia. Atamu moko mopa na yedi nyoso yezadi. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à ses saints dans Jérusalem. Et il a reçu des pouvoirs des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Awampe, azali na bokondi. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Comment savait-il que le Seigneur lui est apparu? Discernement. Anania, alors moi qui me fais à côté qui n'a pas qu'on y a un bon pays, à Tchéla qui Saoul, ma beaucoup, m'pé à l'obiété, de go Saoul. Koloye, yesu, oyo, a mon anaki na yon anzela, na koya na yon, a tiningai ete, ou mon ali susupe, otonda, na moli moussantou, de venini, anania yeko yebete, kolo, a moni samaki na yon anzela, ou an ezaline pour sosolina. Dans les paroles du Seigneur, le Seigneur ne lui a pas dit, je lui étais apparu, non. Il lui a dit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias venir lui imposer des mains et prier pour lui. Kolotango abana kolobana Anania. Ayebisaki Anania tete ngai na lumonisaki na ye na yomono na yila nzela te. Yalo baki na ye bobolote muto na zako tinde pa na yo. Asilinde pomona yo na yomono na yoyo ko tele maboko mpe obondela kitu na kina nayo. Et quand Anania commence à hésiter, tango Anania baki na yo dit va. C'est un instrument que j'ai choisi. Pour poser mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est vrai. Oui. Alors, il est parti. Okay. Et je lui montrerai. Tout qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias est sorti, il est parti. Arrivé là-bas, le discernement opère. Dès qu'il met les mains, il dit, Saul, mon frère. Mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu. Sur le chemin de Damas. Ça, c'est un discernement. D'un secret caché dans la vie de Saul. Dieu fait de grandes choses. Il m'a envoyé pour que tu découvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue, il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Vous voyez alors ce que dit Frère Branham ici dans le sermon Un Paradoxe. Prêché le 1er août 1963. Paragraphe 131. Il dit c'était étrange. Qu'après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, Saul, ce petit juif au nez crochu, gracieux et méchant, et qui mettait même à mort certains membres de l'église, était en route pour Damas. Où arrêtaient ces gens? Et là-bas, suivez, Landa, la Bible dit un disciple, hein, dit, il y avait un prophète appelé Ananias. Awa Biblia elobiete azalaki ndemo yekolimoko kasi awa ndekobrana malobiete ezaki pe na mosakolimoko abianga makina komboye Anania. Là-bas, il y avait un prophète appelé Ananias. Una ezalaki na mosakolimoko abianga mi Anania. Et il était là. Azalaki wana. Donnant des prophéties aux gens. Opesaka masakoli na bato. Un prophète du Seigneur. Mosakoli na nkolo. Leur annonçant la parole du Seigneur. Parce qu'elle était venue à lui. Et pendant que pasteur Ananias. S'est trouvé là. Prophétisant. Saul alla là-bas pour l'arrêter. Et au bon milieu de la journée, cette même colonne de feu qui descendit, et produit ici les enfants d'Israël, rampa Paul et les terrassent. Et tous les gens qui se tenaient autour de lui ne la voyaient pas. Mais elle était si brillante pour Paul. Amen. Il devint aveugle. C'était si réel pour lui. Mais le reste d'entre eux ne voyait pas cela. C'est un paradoxe. Oh là là. Voyez-vous ce qui s'est passé? Saul était en route vers Damas. Saulo na mobembo na kokende Damaseke. Et le prophète Anania, c'était un pasteur prophète. Mosakoli Anania azalaki ndebo batola mosakoli. Il existe c'est son ministère à Damas même. Mo pomo oye banda kosale na ngobele na ngumba na Damaseke. Saul là où il partait, Saulo esika banda kosale. C'était pour arrêter Anania chez son groupe. Elle est dispersée. Faire spécial le fonctionnement de la chambre. Il a fait les ordres de mission de la part des sacrificateurs. Il avait le soutien de la police. Pour que si quelqu'un menace, on puisse le maîtriser. Mais il a rencontré plus que la police. C'est lui qui est plus grand que tous les humains. Donc, la colonne de feu s'est interposée entre Ananias, pasteur et prophète, et Saul de Tarse. Et quel est le paradoxe que Dieu a produit là? L'homme même qu'il visait, qui respirait d'aller arrêter, mettre sous cracas ou cachot, les disperser, c'est l'homme même qui devait maintenant prier pour lui. L'église même qu'il partait disperser, c'est l'église où il est devenu premier membre chrétien. Là où il a adoré parmi les chrétiens pour la première fois. C'est l'église qu'il voulait faire cesser de fonctionner. Je veux que la foi de cette église monte à ce niveau-là. Ni la menace, ni les insultes. Notre Dieu peut convertir des cœurs. Il peut convertir vos adversaires. Il peut changer leur langage. Colonne de feu qui s'en occupe. Montrant que Jésus-Christ est le même. Notre autrefois, le huissier de justice était envoyé pour arrêter Jésus. Ils l'ont trouvé en train de prêcher. Mais au lieu de prendre les cracas et mettre sur les mains de Jésus, ils ont commencé à écouter la prédication. Captivés par la prédication. Vous savez ce qu'ils ont dit? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Des gens venus pour le mettre en cracas. Le Saint-Esprit s'interpose. Parce qu'il est le Dieu des esprits de toute chair. Il domine dans les cieux, il domine sur la terre. Il domine partout. Il contrôle les êtres humains. Leurs mouvements et leurs respirations. Leurs actions et leurs programmes. Notre Dieu contrôle tout cela. Ils sont retournés avec un beau témoignage. Au risque même de leur emploi. Pour Jésus, ils ont accepté. Même si vous allez devenir des chômeurs, qu'on allait ce qu'on a vécu, mais c'est inexplicable. Nous ne sommes pas des petits margoulins. Allez-vous même vous les chefs. Mais on n'a pas eu. Ils sont devenus comme ces fanatiques. Toi, ne crains rien. Devant les menaces, les invectives, les envoûtements, des paroles de malédiction, sache que Dieu existe. Dieu, ton Dieu, existe. Et il connaît toutes ses pensées. Avant que tu ne puisses l'informer, il en connaît tous les détails et tous les dessins. Alors que Anania avait un peu peur d'affronter Paul, mais il ne savait pas que c'est lui qui était avec eux qu'on pouvait contrôler Saul de Tarse. Mais Saul, il fait tout ça contre l'église, mais Dieu ne fait rien. Vous voyez, ça donnait une certaine impression, comme si Dieu laisse faire tout, et qu'il y a des gens qui, eux, deviennent des incontrôlables. Loin de là. Église chrétienne, tirez les bonnes leçons. Dieu ne délaisse rien. Il a un temps pour intervenir. Et que l'aise n'a pas pris n'a pas camboyé, voyez que la malade est en zambé, à bosser à quel côté, à sa canatan, on a eu pour ta côte dans les cambo. Pour être à l'année, il y a beaucoup, à Badakin, il y a qu'au banc, l'année, c'était, ça, on a voyé qu'on s'en la bango, ma bécasse, il y a pas qu'il était, oh, yo, bazakin, à yoan, à sa canama, coquille à colambe, l'icône à ça, on le peut qu'au kitchen. Même si ton mal a perduré, à ta cour, pas si n'a eu au mali. Il y aura un temps où Dieu marquera sa fin. Ils allaient n'attendre un zambé à cause de sa yango. Ne craignez rien. Amen. Le Seigneur a rassuré Ananias. Oh mes chers amis, sachez qu'il y a toujours, Dieu a sa façon de traiter ses enfants. Il a fait ses enfants de la cible de Saul de Tarse. Mais il n'a pas permis que Saul puisse agresser ceux de Damas. Là, la colonne de feu s'est interposée. Et Paul a nié que la banane mususu naie na bingumba mususu kasi a pesa kinze la tete asimba na ba oyo ya de masse. C'est le même Dieu qui avait dit par Osée. Ils allaient pas les hommes mais comment qu'on va qu'ils n'ont rien à Osée. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël hors d'Égypte. Non, c'est là dans mon sac collier Yahweh a dit misaki. Israël est na le bâton. Par un prophète, Israël fut gardé. Pas dans un dans mon sac collier Israël est pesa bâton la magie. À Jérusalem, il y avait les apôtres. Et à Damas, il y avait un prophète. Et Dieu a protégé l'assemblée. Il a fait que le même prophète qu'on voulait arrêter, il a quitté vers la pièce maîtresse pour prier pour Saul. Bien-aimés, il y a des grâces particulières avec le ministère prophétique. Amen. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Amen. Ma tamboli mo pona mbolu ya nolenga na yango pona lo sabo ya mosakoli na yo asalpa ya mbaka mosakoli na nolenga mosakoli akozonde li bo ya mbaka Jésus-Christ est le même jusqu'à maintenant. Yata disa de l'orenga ba pokino sa sa parole de mère est le même. Yata li koumé na bobele. Il est le même jusqu'aujourd'hui. Yata li l'orenga ba pokino sa sa li bo. Vous accordez de nouvelles grâces. Ako tu fais qu'on passe bino ba mbolu. Vous passerez par les chemins où les autres s'y combent mais vous serez épargnés. Vous collectez un endroit dans un bambou sous ma quoi mais bino pour combattre la mort. Là où les autres attrape des dégâts, mais vous serez en sécurité. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Êtes-vous là pour aimer ça? Vous allez en apprendre à polygoner. Amen. Gloire sera liée à ce Dieu vivant. Gloire à ce Dieu vivant. Vous voyez, combattre ardemment pour la foi. Prédication. C'est le 23 janvier 1955. Alors là, je prends juste la deuxième partie de ce paragraphe. Il dit ceci. Vous voyez comment l'évangile s'est répandu? Il n'est pas resté là inactif. Comme c'est le cas aujourd'hui. Frère, lorsque les gens ont vu les œuvres que Dieu accomplissait par les apôtres, ils sont allés partout. Ils étaient vraiment en feu. Quand les gens ont vu les œuvres que Dieu accomplissait par les apôtres, ils sont allés partout témoigner de ça. Et ils étaient vraiment en feu. Frère Branham me dit, Je vis ce que le Seigneur fait à travers son ministère. Dans le monde entier, mais les églises sont dans la froideur. Elles sont dans cet état parce qu'elles pensent avoir tout. C'est dans la prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Parce que ces églises, elles sont dans la froideur, parce qu'elles pensent avoir tout. Elles s'imaginent qu'elles n'ont besoin de rien. Elles sont riches. Alors que la chose même la plus importante, qu'ils ont oublié, les a échappé. Et Dieu nous aide à ne pas devenir cela. Entrer dans une froideur pensant avoir tout. Nous devrions être en feu. Frères et sœurs, toute l'église, nous témoignons partout. La solitude du Seigneur, en feu. Moto, moto. Et si on n'a pas cette flamme, cette couronne de feu, alliant nos cœurs, il y a la place à l'hôtel. Nous avons des maisons pour prier. Il y a la brousse aussi pour s'isoler. C'est là votre prière. Mais mon âme a fait Seigneur. Pour l'amour de Jésus. Mais l'église en fait Seigneur. Mais mon frère en fait. Mais ma soeur en fait. Mais mon père et ma mère en fait. Mais mes enfants en fait. Pour que nous soyons rétablis comme au commencement. Et que Dieu multiplie les bonnes œuvres. Les œuvres de puissance. La puissance du Saint-Esprit de la Pentecôte. Aujourd'hui, l'évangile semble devenir inactif. Les noms sont malades, mon ami, c'est bien de cause de nous. L'entrée dans la vie, c'est pas surtout à voir. Vous allez pouvoir faire des choses. Beaucoup de choses. Quand elle est en guerre, pas la vie, c'est beaucoup mieux. Réveillons-nous, mes frères. Tout la mouka bande qu'on a gagné. Réveillons-nous. Tout la mouka. Voyez comment l'évangile s'est répandu. Il n'est pas resté là, inactif, comme c'est le cas aujourd'hui. Frère, lorsque les gens ont vu les œuvres que Dieu accomplissait par les apôtres, ils sont allés partout. Ils étaient vraiment en feu. Ils faisaient quelque chose pour l'évangile. Ils étaient vraiment en feu. Le réveil de Philippe a produit probablement quelque chose de glorieux. Et pendant que Paul était là-bas, en route vers Damas, en provenance de la Samarie, qui s'est dirigé vers Damas, Dieu avait appelé un homme et l'avait rempli du Saint-Esprit. Ses disciples là d'Actes 9. C'était un homme appelé de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. C'était un pasteur et prophète. Est-ce que vous aimez ces vérités? Paul lui allait vers Damas là-bas. Et pendant tout ce temps, Dieu avait appelé un homme. Et il l'avait rempli du Saint-Esprit. Et il lui avait accordé le don de discernement. Et cet homme s'appelait Ananias. Alors Paul était en route. Voilà la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est ce genre de foi là qui doit revenir et opérer ici. Quel que soit ce qui vient contre nous. Comme on a lu hier, ça ne vient pas de Dieu. La même foi doit opérer ici. Opérer dans ta maison, dans ta famille, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans regarderez. Elle est même jusqu'à présent. Voyons ces dons que Dieu place. Voyons ce Oh. Alors Paul était en route. Voilà la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Paul était en route. Il avait trotté son grand courtier. Mais ce n'était que juste un bluff. Ils allaient gouverner les banques. Tout ce qu'ils faisaient voyage, ouais, les autorisations, devant la puissante colonne de feu du Dieu vivant. Nous sommes plus qu'en sécurité. La colonne de feu qui voit particulièrement le prophète. Il fait des grâces particulières. Mais elle est dans la nuit, Il proférait des grandes menaces. Oh, je vais arriver à ce grand récit. Et je vais m'occuper de lui. Je vais mettre à fond ce bruit. Un chéris. Il y a des visions là qu'il faut. Il y a toutes ces prophéties. Je vais mettre un pharmacien. Mais c'est la prophétie qu'il a attrapé. C'est le discernement qu'il a dit. Il voulait mettre un terme à tout ça. Le discernement qu'il a pour lui dire le Seigneur Jésus qui était à Paris là. Oui. Il n'avait plus d'argument. Oh, vous avez menti. Oh, vous avez fabriqué. Oh, il ne pouvait plus le dire. Lui-même les yeux devenus avec. La chose même à laquelle il voulait mettre un terme. C'est la chose qui était devenue indispensable. Pour les guérir. C'est ce que vous avez. C'est ce qu'il y a parmi vous. Amen. Si le mal a perduré. Attends, si le problème traîne encore. C'est Dieu qui y mettra. Il sait comment le faire. Toi, ne baisse jamais tes bras. Aïe toujours la foi. Maintenant, ce discernement opéré dans les prophètes de Jésus-Christ. On verra plus tard comment ça opère encore dans un apôtre. Le discernement du même Dieu. Et dans un apôtre. Béni soit Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui, tu calé, ton compagnon. Benga Okamba. Ce qui peut être mis, ah, attends, même peut-être après deux ans, il y a quoi à Kanango. Pour la Naga conduite. Que Dieu vous bénisse. Zambé à Pambo. Mais surtout de vous pour la prière. Tout est pour la Kobondina. Elle et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. C'est Katina Yo. Bouni Bouni Jésus-Christ soit ton dame et Kenaboboto. Écoute, ô ciel, et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi ta maison, et tes tailles de champs, ô louange incarnée, combien tu es riche en bonté, Jésus est bon. Thank you. péché et à mon propre Dieu. Mais dans sa bonté, je ne peux que citer que vous rassurez à la vie. Qui nous offre plus que la sécurité. Voyons, amen, amen, amen. Oh, les missionnaires qui campent autour de sécurité. Seigneur, aie mon âme en feu. Pour l'amour de Jésus, mets mon âme en feu, Seigneur, mets mon âme en feu. Par l'amour de Jésus, mets mon âme en feu. Mets l'église en feu, mon Dieu, mets l'église en feu. Oh, la mort de Jésus, mets l'église en feu. Pour l'amour de Jésus, mets mon frère en feu. Dieu bien-aimé, Père de sainteté. Dieu fidèle, souverain des cieux, qui domine partout, tous les esprits, toutes choses, tous les humains, tu es notre force, notre haute retraite, le refuge de nos esprits, plus que la sécurité pour nous. Que ton nom soit sanctifié, à notre profit. Exauce nos prières. Et garde chacun de nous dans la flamme du réveil. Comme au jour du commencement. Que l'ange du Seigneur cache autour de nous. Pour nous arracher à tout danger. Que ta lumière brille sur nos chemins. Pour changer les ténèbres un jour. Pour changer les malédictions. Changer la défaite en victoire. Nous donner la supériorité. La supériorité de Dieu de prodiges, Dieu de miracles, Dieu de Jésus, nous te prions et nous t'adorons. Parce que tu ne fais pas pour le Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Beaucoup qui les commandent. Que Dieu soit loué. Vendez un jour le coup.